le prêche d'aujourd'hui explique le lien des dirigeants avec le bien public. Dieu ne change la situation d'un peuple ou des peuples ou des gens que lorsque ces gens changent ce qu'il y a de mauvais en eux, ce qu'il y a de mauvais dans leurs âmes. Nous prions Dieu pour qu'il améliore notre situation. Mais Dieu a instauré une règle simple. Changez ce qu'il y a de mauvais en vous et Dieu changera votre situation. La situation des gens est liée donc à leur foi. La religion, la pratique, la foi étaient considérées par nos ancêtres comme une constitution, une loi fondamentale, une règle à suivre. Aujourd'hui, nous nous sommes relâchés quant à la pratique religieuse. Le monde est menacé de catastrophes, car lorsque les gens oublient Dieu, Dieu les oublie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde les croyants et les met en garde contre l'Ouïl. L'Ouïl, c'est un fleuve dans les enfers. Les gens dirent au prophète, ils lui demandèrent, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment serions-nous voués, destinés à l'Ouïl, alors parmi nous, il y a des gens de bien, des croyants et des pratiquants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, si la corruption se généralise, alors oui, l'Ouïl englobera tout le monde. Si vous regardez ce qui se passe actuellement, tous les médias, les télés du monde sont braqués sur le monde musulman et plus particulièrement les pays arabes. Chers frères, viendra un jour où les despotes connaîtront leur sort ici-bas et dans le-delà. Car les Arabes, les peuples arabes, se sont soulevés contre le despotisme. Avant de mourir, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anh, a recommandé Omar al-Khattab, radiallahu anh, au Khilafa. Car Abu Bakr Siddiq, radiallahu anh, estimait que Omar en était digne, c'était le plus apte à prendre les rênes de la nation musulmane. Mais si Omar s'avère indigne, il connaîtra le même sort réservé aux despotes. Mais Omar est loin d'être indigne. Omar qui arrive en retard à la mosquée pour la prière du vendredi, il s'excuse et explique les raisons de son retard. La raison était simple, c'est que le commandeur des croyants avait un seul vêtement et sa femme l'avait lavé, a lavé ce vêtement pour qu'il soit propre pour la prière du vendredi et il n'a pas séché à temps pour que l'imam Omar puisse être à l'heure à la mosquée. Que pensez-vous si vous comparez ce comportement à celui des responsables actuels, ceux qui ont les rênes de la nation musulmane entre leurs mains et qui possèdent des milliards? Ben, le jour du jugement dernier, il y a une question qui se pose. D'où as-tu tous ces milliards? Et quand on parle de milliards, ce n'est pas des milliards de centimes, mais des milliards de dollars et d'euros. Et comment l'as-tu dépensé? Comment as-tu gagné ça et comment l'as-tu dépensé? Là est la question. Un homme possède à lui seul autant que tout un peuple, que tout son pays, parce qu'on parle de 70 milliards de dollars, 50 milliards. Donc ce sont des sommes énormes. C'est ce qu'on entend quand Dieu dit, quand la corruption s'est généralisée sur terre et sur mer. Et c'est là la généralisation de la corruption lorsqu'un homme à lui seul possède autant, si ce n'est plus, que son pays.